بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. Je voulais intervenir par rapport à l'actualité du moment et par rapport à ce qui s'est passé concernant le frère qui a attaqué un militaire sur l'esplanade de la Défense et tout le traitement médiatique qu'il y a autour de cette agression. Vous pouvez remarquer en regardant la télévision que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne nous racontent pas, ils ne nous expliquent pas pour quelle raison ce frère a attaqué un militaire. Ils vont tout de suite basculer dans le sentimentalisme, dans l'horreur, quel acte insoutenable, insupportable, encore une fois venant d'un converti qui s'est rapproché de l'islam radical et qui est devenu un fou de Dieu, un illuminé, qui a commis cet acte sans raison, uniquement par agressivité, par frustration. C'est incroyable le tableau qu'ils décrivent à la télévision. Ils nous expliquent surtout pas comment ce frère est arrivé à l'islam, pour quelles raisons il a pris ses positions politiques et religieuses, pour quelles raisons il s'est attaqué à un militaire français. On ne nous explique pas tout ça en fait, on ne nous explique pas l'arrière-boutique, on ne veut surtout pas s'attarder sur ce genre de sujet et assumer les responsabilités de la France et de l'armée française en terre musulmane qui va spolier ses terres, qui va envoyer des commandants, des soldats uniquement pour protéger ses intérêts économiques sur par exemple des régions du Sahel. Donc ils sont prêts à tuer des villageois, ils sont prêts à tuer des innocents, ils sont prêts à tuer des femmes et des enfants pour protéger les usines d'uranium qui fournissent 80% de l'électricité française. De ce côté-là, de ce point-là, il n'y a aucun problème. Là, on les appelle des armées de libération, des armées de la démocratie, des armées de la liberté, des droits de l'homme, des armées qui viennent sauver le peuple contre le terrorisme et la charia qui essaie d'être imposée par des extrémistes musulmans. Donc dans ce sens-là, c'est toujours la même chose. On va glorifier les actes de la France, de l'Occident, avec leur politique, leur gouvernement, Hollande, Merkel, Obama et toutes leurs armées, ainsi que l'OTAN. Donc on va toujours tenir les mêmes discours. Et de l'autre côté, quand c'est des musulmans qui essaient de se défendre, qui essaient de se protéger et qui essaient de rétablir la justice, tout simplement car ils sont en état de guerre, on attaque leur terre, donc eux, ils ont le droit de se défendre. Donc encore qu'on attaque les civils, entre guillemets, et les innocents, entre guillemets, là on peut dire qu'il y a un grand débat, qu'il y a une grande divergence entre les oulémas et même une personne anodine. C'est vrai qu'il faut lui expliquer, prendre un peu plus de temps, c'est un peu complexe. Mais lorsque c'est un militaire, lorsque c'est un soldat, là il n'y a aucun débat à avoir et aucune larme à verser pour des gens qui sont payés par la France pour défendre ce gouvernement criminel qui commet des crimes à travers tout le monde entier, qui va voler les terres de ces pays qui tentent de se développer, qui crée des conflits d'intérêts très importants sur le terrain, qui crée des meurtres économiques, qui tue des dizaines et des dizaines de milliers de personnes uniquement économiquement, avec leur capitalisme et leur ultralibéralisme et leurs grandes entreprises qui pompent toutes ces terres-là, que ce soit au niveau de leur uranium, de leur pétrole, de leur gaz, de leurs pierres précieuses, de leur agriculture. Enfin voilà, donc le constat est accablant du côté de l'Occident. Et lorsque des jeunes, des loups solitaires, comme ils les appellent, des loups qui dérangent leurs troupeaux de moutons, viennent secouer un peu l'Occident criminel et lui rappeler que qu'elle ne peut pas faire tout et n'importe quoi et à n'importe quel moment et avec n'importe quel peuple, qu'elle doit payer ce qu'elle engendre et qu'elle doit sentir le retour du bâton pour peut-être se mettre un peu à réfléchir, parce qu'apparemment les Occidentaux, très ignorants, très matérialistes et avec un esprit impérial de domination de toute autre civilisation qui tente de se réveiller ou de respirer un peu, les Occidentaux ne comprennent pas que c'est des criminels, que c'est des gens qui, à travers leur système économique capitaliste, matérialiste, est en train de détruire le monde entier, que ce soit au niveau environnemental, naturel, humain, au niveau des valeurs, au niveau des cultures, des traditions, de l'épanouissement, du bonheur, du couple, des enfants. Donc lorsqu'il y a des hommes d'honneur ou des personnes qui tentent d'arrêter ce crime généralisé et cette monstruosité mondiale venant de l'Occident, on les insulte, eux, de terroristes, on les insulte, eux, de fous dangereux, on les insulte, eux, de, comment dire, de danger pour la société et pour le système, alors qu'ils ne font que tenter de réveiller les gens, de ralentir ce cataclysme vers lequel le monde entier est en train de se diriger, et notamment le monde musulman. Donc c'est incroyable ce qu'on peut entendre. Dernière chose, ils sont en train d'interroger des soi-disant des représentants de la mosquée de Paris, des recteurs de la mosquée de Lyon. C'est tout simplement insupportable de les entendre parler. Ils ne sont pas musulmans, ils rentrent de loin dans quasiment tous les annulatifs de l'islam. Ils se permettent de parler de ce converti de 22 ans en le traitant de fou, de criminel, de terroriste, que cela ne fait pas partie de l'islam. En gros, en résumé, l'islam, c'est la paix, c'est le bouddhisme, c'est vas-y, tu peux rentrer chez moi, tuer ma femme, tuer mes enfants, voler toutes mes terres, voler tout mon argent, et puis moi, je te dirai toujours salam, salam, salam alaikum, on va faire le ramadan, on a des belles mosquées, voilà. En gros, pour eux, l'islam, c'est ça en fait. Il n'y a pas de charia, il n'y a pas de protection des terres, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de jalousie pour cette religion, il n'y a pas de dawa, il n'y a pas de djihad, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de khalifa, il n'y a pas d'émir, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. En fait, on se fait violer, voler, tuer, assassiner, coloniser, enfin, au niveau des terres et au niveau psychologique, et on doit encore rien dire, rien dire, rien dire. On doit se taire et se contenter d'avoir de jolies mosquées qui coûtent des millions d'euros et de faire notre petit ramadan. Et puis voilà. Et puis voilà l'islam d'aujourd'hui, l'islam moderne du 21e siècle. Tout ça est exécrable et écœurant. Qu'Allah Azzawajal nous protège de tout cet égarement et qu'il nous fasse sortir de ce monde de kufr. En tant que gens sincères, pieux et martyrs, si possible. Voilà, c'était juste mon message que je voulais passer. Je suis désolé, j'ai été confus. J'ai plein d'idées. Je voulais mettre beaucoup plus de temps à développer toutes ces idées-là par rapport à ces derniers événements. Mais là, je suis un peu pressé par le temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jalla nous éprouve pour mieux nous guider. Assalamu alaikum.